étrangères et des femmes très belles, mais pour autant, son mari, lui qui savait lui dire quand il s'en allait tout le temps, je suis sorti, a disparu sans maudire, sans la maudire non plus. Il est parti. Depuis dans le quartier, on le traite à tout coin de rue d'abruti. Ça, c'est ce que disent les comme il faut, les experts de la bêtise. Un million de tocards auraient voulu de la boulangère être aimé. Un milliard de pétasses auraient voulu de la boulangère sa beauté. Un seul de ces tocards a reçu de la boulangère son amour. Les autres se le seraient mis à dos, contents et fiers. Voilà ce qui se passe quand boulangère est aussi belle que connasse. Mesdames et messieurs, trêve de plaisanterie. Laissez-moi essayer de vous raconter comment est une lubie et pourquoi le mari de la boulangère décide alors d'une nuit de mai, sans emporter dans ses bagages ni haine ni rancune, s'envoler. Élan de vipère, ne crachez plus sur le mari de la boulangère. Joli, d'accord, mais à part faire du pain con comme une bite. Oui, ma caille. Rien que pour ça, n'importe quel zozo de mari mérite une médaille. Non mais le vase a surtout débordé à cause d'une goutte d'eau. Goutte d'eau plate. Lorsqu'il a pris la veille de son départ que sa femme faut t'es à droite. Ça vous la coupe. Bah lui, ça l'étonne, pire encore, ça le dégoûte. Qu'on vote à droite, quand on est bonne, juste bonne à pétrir la pâte.